Señor. Almighty. Allez Mike, lâche-toi. Ah merde, je me suis tellement lâché que j'ai oublié de le mettre là. J'ai appuyé sur le bouton qu'il fallait pas. Oh non, salut Bilos. Thank you. Thank you. Trop tard, elle est partie. Trop tard, elle est partie. Yo, ouais, c'est Sophie Charlotte du monde. Ouais, c'est The Way Under. No, but I'm with you till I'm all my. Please don't take your mind. Allez, danse, Mike. Allez, danse, danse. En Chine. Oh, j'ai fait tout copier. J'ai fait tout copier ce que tu vas faire. Pas mal à basse. Thank you. c'est parti pour les années 80. C'est mon anniversaire. Ah ouais, ça c'est bon ça. We'll be right back. Ecstasy. Ecstano. Bizarre. Extensive. Extensive.